C'est parti. Waouh, c'est parti là, 100% collègue, l'émission du Sud Vedette. Voilà, l'émission du Sud avec Moulinex et Benmar. Ah bah, vos serviteurs pour écouter les bonnes disques, les disques du Sud. S'envoie la boule, s'envoie la boule. Alors Moulinex, qu'est-ce qu'on écoute pour commencer? Wow, yo yo Bernard, 100% collègue, c'est toi qui vois la pochette de disque. Alors, je pense pochette, que c'est toi qui vois la balancer. Regarde la pochette, c'est ici Moulinex. Wow, c'est les Norbeni, give it to me. Ouh. Et 100% du Sud, les hommes de Marseille et de Poitiers sont les mêmes. Les femmes, elles sont bonnes à Poitiers, c'est le Sud. Ouh, allez, c'est le rock. Allez, le rock, allez, c'est parti, là. Considérez que c'est un vrai groupe marseillais, quoi. Marseille, attitude 100% collègue. Vous êtes toujours sur Radio Redact. Allez, on vous laisse écouter un peu de musique. Ça, c'est le bon son. Pastis. Allez cousin, tout, cousin, change le disque. Bonne country, quoi. Change le disque cousin, on va écouter quand même un petit peu de musique. La musique du Sud, c'est typique de chez nous. Waouh, mollo mollo, ouais. On n'est pas, tu vois, tranquille quoi, on est dans le Sud là, 100% Sud, 100% collègue. Vous êtes toujours sur Radio Vedette qui vous envoie ce superbe titre. Radio Vedette en direct. En direct du Sud Poitiers, Sud de Vienne, où j'imagine. Bon alors, Moulinex, mets-nous ta musique, on va bien se marrer, hein? Et Carole, la minette. Ah, dis rien là, laisse-la tranquille. La minette. 1, 2, 3, 4. 100% les soins, elles sont pas la bonne chanson, je suis trompé. Bah, remets la bonne chanson, là. Non. Putain. C'est trompé, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Allez, quand il y en a un poids, il y en a pas 10. Après une 2-3 heures de pastis. Merci. Merci la pitchoune. Ouais, tu nous dénonces quoi? Merci la pitchoune. Ah, 100% collègue de tricheur, enculé. Right. Ah. Come on, little woman, let's head it. C'est bon là? Hey, cousin, c'est bon? Ah, c'est ce que le problème, c'est que je me suis carrément trompé le disque. Faut que je change le disque. Oh merde! Oh putain! Ah, bon, à refaire, hein. À refaire complètement. Oui, ça arrive à tout le monde. Ouh là là là là là là! Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Radio Vedette, Radio Courage, vous nous écoutez? Attention, les amis! Ouh là là là là! Il ne faut pas de blanc la radio, vous le savez bien. Moulinex, dites quelque chose, dites un petit quelque chose. Oh là là, bon de mer. Ça c'est le rock, ça c'est le rock et ça les jeunes. Waouh, voilà, c'est parti là. Oh, c'est déconné là, 100% collègue, Radio Vedette, Charlie Fraser de Nice. Toujours sur Radio Vedette, la radio du sud de ceux qui sont à Marseille, à Nice, à Toulouse et surtout les cigares. Ah ouais, oh, collègue. 100% collègue. Retire le disque, retire le sud, j'allais dire, bonne mère. C'est une bêtise. Ah, oh, Poitiers. Alors je suis pas sûr qu'on entende. Attention la technique. Ah oui, retirons le disque. Et là, alors maintenant, je vous propose, je ne sais pas qui le fasse, peut-être le Christmas Iceland. Ah, Bernard, n'oublie pas de signaler que c'est un artiste du Sud. Ah, c'est un artiste du Sud. Un collègue toulousain, 100% Toulouse, Arnaud Lumeau qui a fait la couverture du disque. Arnaud Lumeau, célèbre peintre d'art brut. Et le nom du groupe, Bernard. Je crois que c'est... Ah, mon vitesse. Alors, pastis 51. On va mettre dès le début. Radio Vedette, il est 15h. Il n'est pas 15h. Ah, là, je suis pas d'accord. Tous ensemble, oh yeah. Toi et moi, nous n'est ensemble, oh yeah. Oh baby, ne m'oublie pas. Avec moi. Eh, Bernard, il est branché le micro, quoi, là. Est-ce que je vais vous dire un truc pour les collègues? Il y a un truc pour les collègues, je baisse le son. Ouais, alors, une petite annonce. Enfin, un petit fric le samedi 19 novembre à la Coupelle Saint-Martin. Donc, vous êtes tous les bienvenus là. Tous les collègues de Marseille, de Nice, de Montpellier, de Marseille, à Poitiers là. Et les amis de Poitiers, bien sûr, tout le sud. C'est un concert gratuit, donc il y aura des boissons. C'est fini là, c'était bien, hein? Non, allez, c'est reparti. Ah ben, c'est la deuxième chanson du disque. Oui, alors sûr, on va vraiment écouter. Non, ça va nous embêter. Donc, de toute façon, c'est publié aussi à dire, par des collègues du sud de la France qui sont à Saint-Gerioz dans le 74. Et ils s'appellent Chittenken et ils font partie de mes amis MySpace. Donc, à signaler des bons amis MySpace, nous savons que c'est quand même parmi les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Les amis MySpace, c'est les amis. Et ça, les amis, c'est important dans la vie. 100% collègues, 100% MySpace, 100% Marseille Attitude à Poitiers, toujours sur Radio Vedette. Alors, Moulinex, excuse-moi de te couper, je te propose un petit groupe. Avec plaisir, Bernard. Bien chez nous, alors je pense qu'ils viennent d'Helsinki. Ah, le sud de la Finlande, nous, 100% collègues avec Helsinki. On salue la Finlande, on salue nos collègues de Finlande. Alors, les chansons s'appellent Tata tous les UE, ce qui signifie. Tu l'as dans le cul. Reviens la nuit, retiens la Marseille. Nuit. Johnny Hallyday, qu'on connaît bien et qu'on salue par la même occasion. Ouais, Johnny, collègue. Respect, Johnny. Hein. Radio Vedette, la radio des vedettes. Ah, c'était un disque sorti sur Combarock Industries. le label du sud, du sud, du sud, toujours le sud. Eh, un peu quand tu m'as fait la transaction là. Sur la transition. Je te passe un disque avec du saxophone aussi, là, un disque de rockabilly qui s'appelle Jolly Little Jen. C'est Monsieur Jolly Little Jen and the East Coast Swell Brown. Ça vient toujours du soleil, ça sent bon, ça sent le sable. Sable chaud, la Méditerranée. Allez, vas-y, Moulier, fais-nous du bien. Un Marseillais qui vit aux États-Unis, quoi. Ah, il chante. Attends, ça tourne à travers. Voilà, on est bon, on reprend. Waouh, j'ai cru qu'il avait eu un petit accident du testicule, là. Oh putain, allez, c'est parti là, rumble. Allez, mets-nous ton son. J'arrête de parler, maintenant on laisse parler la musique. On dit plus rien, jusqu'à la fin du morceau, là, 100% collègue, vous êtes toujours sur Radio Vedette, à la radio de Poitiers, pour les amis de Marseille et du monde entier. But she land booty was a lost and sin. So what's this? Excuse me, I'm cutting in. Rockabilly, rumble, will rockabilly, rockabilly, rumble, rockabilly, rockabilly, rumble, will rockabilly, rockabilly, rumble, with skulls and cracking and fingers snapping at the rockabilly, rockabilly, rumble. Black boots bopping to a boogie beat, tight skirts hugging that hot pink meat, black silk stockings slipping to the floor, and everybody hollering, more, more, more. Well, Jenny got juicy and started to train. Joni was a falling on the daisy chain. Babs couldn't seem to get her pants loose. He said, "Take it easy, baby, you can be the caboose." Rockabilly, rockabilly, rumble with a rockabilly, rockabilly, rumble, rockabilly, rockabilly, rumble with a rockabilly, rockabilly, rumble. Every cat and chick getting in their legs at the rockabilly, rockabilly, rumble. Jesse was the first one to rock the boat. Rudy came screaming and went for his throat. There was a puff of smoke and a flash of lead. The poor Rudy didn't have no head. Murder in the first degree. Jesse said, "Don't mean nothing to me. I got the devil paying on the seeing red. That's how it is when you're born dead." Black goose bottom. Et bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Vedette. Il est toujours 15h, c'est normal, mais c'est pas normal. Parce que Radio Vedette, c'est pas de ta pote. C'est 100% naturel. Ouais, collègue, elle l'a bien envoyé celle-là, donc c'était... Voilà, attention collègue. C'était Johnny the Gents and his school caps, Rockabilly Ramble, sorti sur le label, aucune idée, c'est parti, est-ce que... Voilà, attention collègue, j'ai une petite question. J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu étais interviewé dans un fanzine du Sud. Ouais, tu n'étais pas interviewé, mais on parlait de toi quand même. Ça s'appelait Digit. C'est des collègues de Toulouse. C'est des collègues, 100% collègues, les amis de Toulouse. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé quand ils ont critiqué le format de ton disque avec les Magnetics? Bah l'ami, ça c'est des considérations un peu extragénaires. Je n'ai rien contre, mais je ne suis pas pour non plus. Je considère que j'ai mon compte à soi personnel et chacun pense à sa façon où il veut. Ah, chacun voit midi à 14h, comme on dit dans le sud. Dans le sud, pastis à midi, pastis à midi et demi. Allez, on envoie un disque, le King Can, du sud aussi, marseillais. 100% sud. C'est le Marseillais de Montréal, comment on l'appelle chez nous. Allez, envoie le son, fais-nous du bien. Tout à fond, bordel. Allez, King. C'est moi, il est. Radio Marseille, Radio Vedette à Poitiers. Bye. De nos maîtres, à nos maîtres à tous. Ah, quel bon moment. Allez, qu'on passe, un bon moment de musique. Bonjour, Ange le disque, un disque sorti sur Norton. Norton, maintenant, ça vient aussi de Perpignan, ça vient du sud. Maintenant. Vas-y. Bernard, je t'écoute. Je t'écoute. Tu le sais, je t'aime beaucoup. De notre je te fais la bise. Hein. Oh. Allez. Tu fais la bise à ta mère, à ta famille, à tous les frères, tous les collègues de Marseille. Donc, un vieux classique de Hazel Adkins. She said, une tradition. Ah, finalement, là, je change d'avis. Je vais vous mettre une reprise d'une chanson surtout connue par Jerry Lewis. Lewis qui s'appelle High School Confidential, là. 100% collègue, vous êtes toujours sur Bonnet Radio. Cousin, et Asile, là, il est pas fou, hein. Alors, rassure-moi. Ça, c'est l'humour, c'est 100% Marseille, quoi. Ça, c'est bien envoyé. Allez, on voit le boulet, là. Why don't you open up, honey, you see me, you love a boy knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats that are high school rocking. Honey, get your bobby shoes, for the jukebox blows a fuse. Everybody hopping, everybody bobbing, bobbing at the high school pop. Would you just jumping at the high school pop? Would you just shaking at the high school pop? Would you just moving at the high school pop? Well, now everybody hopping, everybody bobbing, bobbing at the high school pop. Girl, I will love a beady beady, let's rock it all out. Come on, love a bitty sugar, let's shake it all off tonight. Well, my heart a bit of rhythm in my... I'll keep a singing the blues. I'm bobbing at the high school pop. Would you jumping at the high school pop? Would you some moving at the high school pop? Well, shake it at the high school pop. Well, there everybody hugging, everybody rocking, touching at the high school pop. Now let's roll! Wow, petit problème technique. Excusez-moi, collègue. Carole, Radio Vedette, il est toujours 15h, mais c'est toujours pas normal, mais c'est toujours normal parce que Radio Vedette, c'est pas pour les statues. Radio Vedette, c'est pas pour les tapettes, c'est 100% marseillais. Ok, ça c'est bien lancé ça. Oh là, c'est chouette. Ça c'était du bon son. Du bon son d'un bon cousin. Papa. Papa dans la face. On sent pour son collègue. Ah, Poitiers, elle fait toujours beau. Mais alors aujourd'hui il pleut. Waouh, Poitiers. Alors les calanques de Poitiers étaient vraiment humides aujourd'hui là. Et c'est ça qu'on apprécie parce que nous, c'est le son, le soleil de Poitiers. Bon son, elle est meuf. La ville marseillaise number one. Allez, envoie le son, cousin. C'est parti. C'est parti pour le son. Ah, collègue. Ah, alors. Bon, ben, je crois que c'est déjà la fin de l'émission. Oui, je crois, oui. Alors, va falloir arrêter, couper l'antenne, rendre l'antenne, comme on dit chez nous. Alors, 1 et 1 font 4, qu'est-ce que tu nous mets à mi-moulis? Ah, bon, alors, moi, ouais, je voudrais mettre une chanson qui me fait sortir les larmes des yeux, qui est une chanson de Willie Wilson, qui est un garçon du Marseille américain. Et cette chanson s'appelle... Originaire du Vieux-Port, hein, je le rappelle. Originaire. Calan, qu'il connaît par cœur. Il connaît tout. Cette chanson s'appelle « Going Home, Marseille ». Alors vas-y, belle son, la bonne vitesse, vas-y collègue. Radio Vedette, la radio des vedettes. 100% direct, collègue, 100% Poitiers, 100% poisson, Marseille Sud. Allez, et puis bonne semaine à tous, on vous embrasse. Au revoir Bernard. Au revoir Moulinex. Au revoir Carole. Au revoir à tous nos amis de Marseille et tous les gens du sud, de Poitiers jusqu'à Dunkerque. Partout autour du monde de Marseille. À la bise. Savior waits when my life is over. I'm going home. I'm going home. I'm going home. When my life is over, I'm going home. Won't it be so sweet to rest at Jesus' feet when my life is over? I'm going home. As I travel down life's road, so heavy is my load. Some glad day I'm going home. I'll meet my loved ones there in that land so bright and fair when my life